Les parasites. Attirés et retenus par le confort, la richesse, la tiédeur, la sécurité du nid, encouragés par une mansuétude générale qu'on prendrait volontiers pour de la faiblesse ou de l'imbécillité, si elle n'était si souvent héroïque ou ingénieuse, les parasites pullulent de façon hallucinante dans la fourmilière. On en compte à l'heure présente plus de 2000 espèces et d'incessantes découvertes, surtout parmi les insectes tropicaux, accroissent journellement ce nombre. Leur étude, à laquelle on a consacré des articles et des volumes, dont l'énumération remplirait 5 ou 6 pages, forme un des chapitres les plus encombrants et les plus bizarres de la myrmécologie. Je ne m'y arrêterai que pour en tirer quelques observations qui éclairent d'un jour indirect, mais parfois assez vif, la psychologie encore bien confuse et bien déconcertante de la fourmi. Le parasitisme, du reste, paraît être une des lois fondamentales de la nature, une de ses méthodes préférées. Et le professeur J.M. Clark en trouve déjà des manifestations chez les animaux marins du Cambrien, c'est-à-dire à l'origine même de la vie. Cette constatation n'est pas faite pour nous donner une idée fort consolante de la noblesse de sentiment de notre mère universelle, mais elle est incontestable et a droit à notre attention. Nos fourmis, naïvement et témérairement hospitalières, tiennent maison et table ouverte, si l'on peut dire, et commencent par écornifler en famille. Quelques espèces, peu nombreuses, il faut le reconnaître, ne vivent qu'aux dépens des races obstinément honnêtes et travailleuses. Je ne reviendrai pas sur le cas des sanguines, des amazones et autres similaires. Il s'agit là d'un parasitisme spécial, ou plutôt d'une sorte de collaboration volontaire où les uns nourrissent la cité que les autres défendent. Sans parler des naines, Dorimyrmex pyramica, relativement inoffensives, signalons une autre fourmi, la Selenopsis fugax, assez bassement criminelle. Vivant toujours sous terre, elle est presque aveugle, et si petite qu'elle échappe aux regards et même aux antennes des malheureuses qui l'hébergent. Elle creuse ses minuscules galeries dans les cloisons d'espèces de fort taille, entre autres dans le nid de la Formica fusca. À son gré, au moment propice, elle surgit des murs comme dans une féerie tragique, emporte rapidement un œuf, rentre chez elle et le dévore tranquillement, car les victimes de ces raptes incessants ne peuvent pénétrer dans ces couloirs étroits. On est étonné que les grosses fourmis ne prennent contre ces ogres lilliputiens, mais impitoyables, aucune mesure préventive ou défensive. Sont-elles trop affairées, trop absorbées par leur travail pour les remarquer? N'ont-elles pas l'idée d'agrandir les couloirs meurtriers ou d'en murer les orifices? La question, je crois, n'a pas jusqu'ici été étudiée à fond dans une fourmilière artificielle. En tout cas, quand on bouleverse un de ces doubles nids, on est plus étonné encore de constater que ce sont les assassins qui se vengent et couvrent de morsures les parents dont ils ont massacré les enfants. Une fois de plus, nous avons l'impression d'assister à des scènes qui se passent sur une autre planète. Avec la Botryomyrmex decapitans, observée par Stanchy, et qui est affublée d'un nom aussi barbare que ses sœurs, nous ne quittons pas notre globe, mais entrons de plein pied dans l'époque mérovingienne. Émettant une odeur à peu près pareille à celle de ses futures victimes, comme si la nature avait prémédité le crime qu'elle lui ferait commettre, elle en profite, au retour de son vol nuptial, pour s'introduire impunément dans le lit du Tapinoma erraticum, ou Negirimum, bonnes fourmis confiantes et laborieuses. Notablement plus petites que les Tapinomes, mais pleines d'assurance, comme si déjà elles portaient la couronne, elles gagnent rapidement les salles où sont rangés les œufs et les larves, y trouvent les reines pacifiques, subjuguent l'une d'elles, s'installent à califourchon sur son dos, et s'applique à lui scier le cou, entre la nuque et le pronotum. La tête tombe, épouvantées, les autres reines prennent la fuite avec une partie de leur peuple. Les ouvrières, qui demeurent fidèles à leur maison natale, adoptent l'intruse qui, incontinent, se met à pondre. La race autochtone s'éteint peu à peu, et le nid des tapinomes devient une colonie de Botryomyrmex. Par d'aussi féroces exemples, ne jugeons pas les fourmis. Somme toute, sur plus de 6000 espèces étudiées, on n'en compte qu'une douzaine qui ne travaillent jamais et vivent uniquement au détriment d'autrui. Avouons que la proportion est décente et que parmi les hommes, elle serait moins flatteuse. Encore que sa biographie soit moins dramatique que celle de la Botriomyrmex decapitans, je ne peux passer sous silence, car elle est très célèbre dans les annales entomologiques, l'Anergates atratulus. Elle est plus bourgeoisement le type du parasite par destination. Les reines de cette espèce ne produisent pas d'ouvrières, mais uniquement des femelles et des mâles qui ne pensent qu'à l'amour, ne travaillent jamais et sont incapables de s'alimenter. À peine fécondée, encore agile et passant inaperçue, une de ces reines s'insinue dans le nid d'une race laborieuse, le Tetramorium coespitum, et l'on ne sait pourquoi, y est très favorablement accueillie. Abondamment nourrie, ses ovaires se développent de façon extraordinaire, elle s'enfle comme un ballon, ou plutôt comme une reine des termites, devient monstrueuse et, incapable de se mouvoir, se fait porter par ses dames d'honneur. Bientôt, elle encombre le nid d'œufs qu'elle ne cesse de pondre. Les ouvrières du Tetramorium négligent leurs propres larves au profit de cette progéniture étrangère et parfois sacrifient leur reine à l'intruse. Pourquoi cette préférence et cette aberration fatale? Bien que von Hackens ait pu observer le même nid plusieurs années de suite et que des myrmécologues aussi sagaces que Alder, Wassmann, Janet, Wheeler, Crowley et Forel s'en soient occupés, on n'a pas encore trouvé de réponse satisfaisante à ces questions. On pourrait citer d'autres exemples, notamment la Formica microgina, parasite temporaire découvert par Wheeler, qui est facilement adopté par la Formica fusca, qu'elle finit par supplanter en donnant naissance à une colonie qui ne garde plus de traces de ses origines malhonnêtes. Belle réplique, ajoute Wheeler, de certaines institutions humaines qui, parties d'un timide et rampant parasitisme, acquièrent avec les siècles une exubérante et insolente prépondérance. D'autres parasites, les Platyarthrus, parfois d'assez grande taille, et qui, s'ils ne sont pas nuisibles, ne rendent aucun service, semblent avoir le don singulier de se rendre invisibles aux yeux des fourmis. Bien qu'ils pullulent dans leur nid, elles n'y font jamais attention et passent au milieu d'eux comme s'ils n'existaient pas. Mais les Platyarthrus ne sont pas des parents ou des alliés, ils appartiennent donc au chapitre suivant. Ce parasitisme étranger nous réserve d'autres surprises et nous transporte également à des époques et dans des mondes aussi variés qu'inattendus. Mentionnons d'abord, sans trop de commentaires, une légion des petits picassiettes, de menus profiteurs, d'infimes escrocs, chapardeurs et resquilleurs, comme on dirait dans le Midi, parfois persécutés parce que trop imprudemment dangereux ou nuisibles, mais le plus souvent tolérés, même s'ils sont encombrants, qui vivent modestement sur les déchets du nid, happent une goutte de sirop ou passent leur temps à lécher les nutritives sécrétions de leur maître. Ils ressemblent à des larves munies de pattes, à des crabes, à des criquets, à des crevettes, à des homards, relativement gigantesques, puisqu'ils ont à peu près la taille de leurs hôtes. Et toute cette infernale ménagerie grouille librement dans le nid, sans que les fourmis affairées et longanimes s'en offusquent. Même, elles sont toujours prêtes à encourager leur grivellerie. Ainsi, quand l'Atellura formicaria, un vilain asticot gras et conique, voit que deux ouvrières s'affrontent pour la régurgitation, ils se dressent entre leurs mandibules afin d'intercepter le miel. Loin de bousculer l'indiscret, elles attendent gentiment qu'il ait pris sa part du festin. Elles agissent de même envers ces inexplicables anténophores étudiés par Janet, Wassmann, Karavaïev et Wheeler, que portent beaucoup de Lasius mixtus et auxquels j'ai fait allusion dans La vie des termites. Ce sont des sortes de poux, proportionnellement énormes, puisqu'ils sont aussi gros que la tête de leur victime. Généralement, sur le même Lasius, on en compte trois qui s'installent méthodiquement, l'un sous le menton, les deux autres de chaque côté de l'abdomen, de manière à ne pas déséquilibrer la marche de leur protecteur, qui les soigne et les nourrit comme s'ils étaient ses enfants. Il convient d'ailleurs d'ajouter que certains de ces hôtes hétéroclites rendent quelques services. Ils consomment les ordures, débarrassent leur patron des mites microscopiques qui les rongent et font la guerre à l'invisible vermine qui pullulerait dans les galeries trop poreuses. mais le gros de l'armée est constitué par des coléoptères de toute taille et de toute forme, qui ont eu le temps, puisque nous les trouvons déjà dans l'ambre fossile, de modifier profondément leurs organes afin de les adapter exclusivement à la vie parasitaire qu'ils mènent depuis des millions d'années. Les antennes, par exemple, se sont épaissies pour solliciter plus efficacement la régurgitation, ou pour servir de poignées qui facilitent le transport, car extrêmement paresseux, ils ne marchent jamais et se font véhiculer par leurs adorateurs. La langue s'est raccourcie, la bouche s'est agrandie, le thorax s'est couvert de poils spéciaux afin que les sécrétions aromatiques et éthérées où réside le prestigieux attrait de ces étranges acolytes soient plus généreusement diffusées. Quelques-uns, les athémèles européens et les xénodus d'Amérique, choisissent même leur villégiature et ont deux domiciles, passant l'hiver chez les formicas et l'été dans le nid des myrmicas. On en compte à ce jour 300 ou 400 espèces, bien que celles des régions tropicales soient encore mal connues. Les fourmis les adorent à tel point et leur sont si passionnément assujetties qu'elles entourent les larves de leurs favoris de plus de soins que les leurs, et qu'en cas de danger, elles les mettent d'abord en sûreté. Ils sont l'unique tare, le seul mais le grand vice de la vertueuse, de la chaste, sobre, austère et laborieuse république, et s'affirme parfois un véritable fléau social aussi meurtrier, aussi fatal à la race que l'alcoolisme aux humains. Ils conduiraient infailliblement à la ruine et à la mort toute colonie qu'ils infestent, si un heureux hasard ou une providentielle erreur de la nature ne restreignait leur prolifération. D'abord, non contents de la régurgitation, ils dévorent volontiers la progéniture de leurs hôtes. Et d'autre part, les ouvrières qu'ils démoralisent et rendent en quelque sorte hétéromanes ne donnent plus aux larves royales les soins minutieux qu'elles exigent. Si bien que ces larves mal nourries ne produisent que des pseudogynes, c'est-à-dire des femelles dégénérées et infécondes. Il semble donc que dans ces conditions, certaines races, notamment les sanguines, particulièrement assautées de leurs néfastes pensionnaires, devraient avoir disparu, alors qu'au contraire, elles sont plus nombreuses que les autres et répandues dans tous les pays du monde. Wassmann a trouvé l'explication de l'énigme. Les sanguines traitent de même façon leurs larves et celles de leurs commensaux. Lorsqu'elles sont sur le point de se muer en nymphes, elles les enterrent pêle-mêle afin qu'elles puissent filer leur cocon. La nymphose accomplie, elle les exhume, les lave et les range dans le nid. Mais les nymphes des coléoptères périssent si on les sort de terre après la nymphose, de sorte que n'échappent à la mort que celles que les ouvrières n'ont pas retrouvées. Sur quoi grande discussion chez les myrmicologues. Wassmann, de la Compagnie de Jésus, y voit une preuve de l'inintelligence des fourmis et une manifestation de la sagesse divine qui maintient l'équilibre dans la nature. Waller, soutenu par Hobhouse, l'auteur de Mind in Evolution, déclare que l'absurdité d'une fourmi qui nourrit les parasites qui détruisent ses enfants n'est pas plus grande que celle d'une mère qui croit assurer le bonheur de sa fille en la vendant à un multimillionnaire, d'un inquisiteur qui brûle un hérétique par charité chrétienne, ou d'un empereur qui, au nom de la civilisation, ordonne à ses troupes de ne point faire de quartier. Il est certain que si nous alignons nos bévues, nos imbécilités et nos illogismes, à côté de ceux de la fourmi, la comparaison ne sera pas nécessairement à notre avantage. Néanmoins, je ne crois pas que pour la défendre en l'occurrence, il soit indispensable de monter sur d'aussi grands chevaux. Il est assez naturel que la sanguine sans malice, soignant des milliers de larves à peu près pareilles, les traite toutes de la même façon. C'est beaucoup lui demander que d'exiger qu'après l'hécatombe des nymphes parasites, elle reconnaisse son erreur. Il en est de plus grave que les hommes commettent de siècle en siècle, et qu'ils n'ont pas encore éliminé. On peut du reste croire que l'expérience ne s'est pas inscrite dans l'instinct de l'insecte, parce qu'il y avait un intérêt occulte, mais majeur, à ce qu'elle ne s'y inscrivit point. N'avons-nous pas vu plus haut, par exemple, chez les fongicoles et les éleveuses de bétail, qu'il est aussi capable que nous de fixer dans sa mémoire atavique les leçons du passé, lorsque ces leçons lui sont vraiment utiles ? Ajoutons que la nature ne met pas toujours aussi bénévolement le remède à côté du mal qu'elle provoque. l'excessive tolérance de certaines colonies, surtout lorsqu'il s'agit de parasites congénères, entraîne parfois leur extinction. Nous avons vu dans le chapitre consacré au secret de la fourmilière l'exemple de la Wheeleria sanchii. À force de caresses antennales, elle gagne les faveurs des ouvrières des Monomorium salomonis qui la préfèrent à leur reine légitime qu'elle supprime. Après quoi, elle se met à pondre et substitue sa race à la race primitive. Mais comme les ouvrières de la Wheeleria ne travaillent pas, toute la colonie usurpatrice finit par mourir d'inanition au fait même de son triomphe. On trouve des exemples analogues parmi d'autres races anergates, comme les appellent les entomologistes, c'est-à-dire sans travailleuses. Heureusement pour l'avenir de l'espèce myrmicéenne, ces races sont assez chétives et assez rares. Notons en passant que parmi les insectes sociaux, l'abeille, grâce à son aiguillon redoutable et du reste n'ayant qu'un organe collectif rudimentaire, est à peu près exempte de parasites. Le termite, d'autre part, plus puritain, plus discipliné, assurément moins généreux, moins ingénieux, moins fantaisiste et moins artiste que la fourmi, n'en tolère qu'un très petit nombre qui semble muni de glandes à parfum. Il est certain qu'au milieu de ces innombrables et multiformes parasites, généralement effroyables, souvent dangereux ou suspects et toujours encombrants, la vie intime de la fourmilière doit être assez différente de la nôtre. Elle évolue dans un mauvais rêve perpétuel, dans une féerie effroyable mais peut-être passionnante, dans d'interminables souterrains hantés où des spectres, des fantômes, des apparitions plus démoniaques que celles de nos tentations de Saint-Antoine sortent de tous les murs, font le guet à tous les carrefours, attendent dans tous les couloirs, envahissent toutes les chambres, caresseurs mais avides, frôleurs et patibulaires, offrant en échange du miel d'équivoques voluptés, des parfums ou des drogues maléfiques. Il nous est difficile d'imaginer qu'au retour de notre travail, nous trouvions notre maison peuplée de 2000 monstres différents, plus hideux les uns que les autres, qui s'y comportent comme s'ils étaient chez eux, et dont l'idée fixe et organique, la seule raison de vivre, est de vivre à nos dépens. Sans y rien comprendre, nous constatons que non seulement l'intelligente fourmi ne balaie pas d'un seul coup, comme elle pourrait facilement le faire, toute cette cour des miracles, toute cette ignoble et ruineuse mascarade, mais qu'elle la favorise, l'encourage, s'y complaît, la considère comme un luxe indispensable, récompense de ses peines, ornement et joie de sa maison, et que plus elle est intelligente, industrieuse, riche et civilisée, plus elle se laisse impunément et complaisamment parasiter. Ce qui, du reste en général, ne nuit guère à sa prospérité, car la bonne Formica fusca, plus indulgente qu'aucune autre aux professionnels de l'écorniflage, est encore plus nombreuse et plus cosmopolite que la sanguine adonnée aux stupéfiants des coléoptères. Mais nous ne sommes pas compétents. Je l'ai déjà dit, notre vie intérieure et profonde, notre seule vie réelle, ne tourne pas dans le même sens. Tous nos vices viennent de l'égoïsme, au lieu d'être des excès d'altruisme. Ceux que perdent la bonté et la tolérance sont considérés comme des saints ou des fous, c'est-à-dire des aberrants. De tous les animaux sociaux, l'homme est le seul qui n'est victime d'aucun parasite. J'entends de parasites à peu près de sa taille, car l'infime vermine qui se trouve partout, même sur les parasites des parasites, ne compte pas. C'est apparemment pour la raison qu'étant le parasite par excellence, le plus grand parasite de la terre, il a jusqu'à ce jour tenu en respect ou en échec tous les autres. Nous avons réservé à nous seuls les avantages du parasitisme et ne l'exerçons qu'entre nous, mais sa pratique n'y perd rien. Il est évident que si nous agissions comme les fourmis, nous ne résisterions pas longtemps. Il faut donc qu'elles soient bien plus fortes que nous, ou que leurs organes aient été conçus sur un autre plan en prévision des excès de la bonté, car aussi bons qu'elles, nous aurions disparu dès les premiers jours.